La fée surprise de Jip. Cette enfant n'a pas de volonté, elle n'en aura jamais. On ne sait pas. Allons donc, elle est hésitante, timide et toujours de l'avis de tout le monde, c'est déplorable. Mais maman, c'est au contraire très heureux. La douairière d'Orsay haussa les épaules et demanda : Heureux, et pour qui, je te prie ? Mais pour elle d'abord. Moins on a de volonté, plus la vie est douce et facile. Ah, tu crois ça ? Dame, et il me semble que pour nous aussi, il est préférable de n'avoir pas à redouter, avec Miette, les petits caprices et les révoltes des autres enfants. Mon pauvre garçon, tu n'y entends rien. Mais ces petits caprices, ces petites révoltes, ça prouve que les enfants se portent bien, c'est leur santé, c'est leur couleur. Miette se porte à merveille. C'est possible. Mais elle est grosse comme une puce et blanche comme un gardénia, pas de sang. Doucement, le marquis d'Orsay protesta. Mais si, elle a du sang. Pour vous, maman, il faut que les enfants soient rouges et luisants comme des pommes à cidre. Vous mesurez la solidité de leur santé et l'intensité de leur couleur. Je vous assure que vous vous trompez. Je le souhaite, mon pauvre ami, mais c'est plus fort que moi, cette petite m'inquiète. Il doit y avoir, à cette veulerie morale, une cause physique que nous ignorons. Veulerie morale, à 5 ans, fit en riant le marquis d'Orsay. À tout âge, qu'est-ce que ça fait, l'âge ? Toi, à 5 ans, tu trépignais déjà à défoncer le parquet, et tu nous arrachais ton père et moi, quand nous voulions t'emporter, des poignées de cheveux. Je devais être un enfant délicieux. La douairière regarda son fils d'un air satisfait. Soyez tranquille, tout ça s'arrangera. Ça s'arrangera. Voilà que tu parles comme elle, à 7 heures. Oui, l'autre jour, pendant un de mes accès de goutte. Je lui dis de sonner pour faire changer de place une bûche qui ne s'enflammait pas et sentait la fumée. Sais-tu ce qu'elle m'a répondu ? Non. Elle m'a répondu, en regardant le morceau de bois qui noircissait dans les cendres, « Il va s'arranger tout seul. » Elle avait probablement raison. « J'attendais ça. Tu la gâtes horriblement. »« Vous la gâtez bien plus que moi. Peut-être, mais au moins, je n'en ai pas l'air. »« Oh bah. » !»« Et dans tous les cas, je fais ce que je peux pour réveiller sa volonté. Je la taquine. Je lui refuse des choses qu'elle désire. Ah oui ! Elle me regarde avec ses grands yeux gris, étonnée quelquefois, indifférent le plus souvent, et elle ne proteste même pas. Tiens, la voilà, essaie un peu de la mettre en colère. À quoi bon ? Miette entrait, suivie de la Bretonne qu'il avait élevée en lui donnant le lait d'une belle vache blanche. C'était une jolie petite fille aux yeux doux, aux lèvres sérieuses, avec une sorte de grâce indifférente et endormie. S'approchant de la douairière, elle demanda : « Grand-mère, « est-ce que je peux emporter mon ballon au bois ?» Madame d'Orsay répondit. « Et pourquoi ne l'emporterais-tu pas ?» Miette regarda furtivement sa bonne. « Parce que Vincent dit qu'il y a de la boue et que ça va l'abîmer. Alors il ne faut pas le prendre. J'en ai envie tout de même. Prends le vieux. Le vieux est tout vilain. Il est encore très bien. Moi je le trouve laid. » Elle insistait doucement, avec une lueur d'entêtement dans ses yeux clairs. La douairière espéra fâcher Miette en refusant définitivement. « Allons, obéis à Vincent et ne fais pas attendre la voiture. » La petite, abandonnant toute idée de résistance, se dirigea vers la porte. « Où vas-tu ? » demanda la grand-mère. Elle répondit, redevenue déjà souriante. « Bah, je vais chercher le vieux, puisqu'on ne veut pas que je prenne le beau. » Madame d'Orsay regarda son fils avec découragement. « Tu vois ce que je te disais ? Pas de volonté, une nature molle. » « Tiens, demande à ton oncle si je n'ai pas raison. » Et se tournant vers un beau grand vieillard qui écoutait sans rien dire, elle questionna, « N'est-ce pas ?»« Tu as toujours tort quand tu dis du mal de la petite fée. »« Je n'en dis pas de mal. »« Si, elle est parfaite, cet enfant-là. » Le général de Champreux adorait sa petite nièce. Il trouvait qu'avec ses cheveux trop blonds, son teint trop transparent et son petit corps diaphane, elle ressemblait aux fées des contes qu'il inventait pour l'amuser. La petite l'écoutait pendant des heures, silencieuse et ravie, dans une immobilité qui inquiétait la douairière. Elle reprit, répondant à la phrase de son frère. « C'est une bonne petite fille, mais elle manque trop complètement de volonté, elle est trop endormie. » Le général protesta. « Endormie ? Pas tant que ça. Elle nous réserve des surprises, Miette, vous verrez ça. » Un matin, il sembla à la douairière que la voix de sa petite fille s'élevait irritée dans la pièce voisine. Jamais, depuis 5 ans que Miette existait, on ne l'avait entendue dans la maison. Inquiète, Madame d'Orsay courut chez l'enfant et resta stupéfaite en la voyant debout au milieu de la pièce, rouge, l'air fâché et les yeux pleins de larmes. Brandissant dans sa petite main la cuillère avec laquelle elle mangeait son chocolat quand avait éclaté la discussion qui l'agitait si fort, elle s'élança vers sa grand-mère en criant « Il a faim, grand-mère, il a faim !»« Qu'a-t-il donc ?» demanda la douairière. La bonne expliqua « C'est un pauvre qui demande dans la rue, et comme madame la marquise défend de rien donner par la fenêtre, j'ai refusé à Miette le sou qu'elle voulait lui jeter. » La petite cria « Tu pouvais descendre, t'as pas voulu !»« J'ai dit que je descendrais quand vous auriez mangé votre chocolat. » Assez justement, Miette répliqua « Mais puisque c'est lui qui a faim !» De la rue, la plainte du pauvre montait toujours, grêle et pleurarde. « J'ai faim, j'ai bien faim !» Pâle, les sourcils froncés, la petite ordonna d'une voix que la colère enrouait. « Va lui donner le sou, vas-y tout de suite !»« Tout à l'heure, quand vous aurez fini de manger votre chocolat !» répondit la bretonne, paisiblement entêtée. « Mon chocolat !» répéta Miette, pensive. « C'est vrai, il y a mon chocolat !» Elle s'empara vivement du bol fumant, y plongea les deux croissants posés sur la table, et l'œil illuminé courut vers la fenêtre très peu élevée au-dessus du sol de la chambre. Le pauvre avait reculé jusqu'au milieu de la rue, et Miette l'apercevait en se haussant sur la pointe des pieds. Il continuait à pousser sa plainte monotone. « J'ai faim, j'ai bien faim !» L'enfant cria « Tiens, mange !» Et elle lança, avec une extraordinaire vigueur, le bol qui vint s'écraser sur le pavé avec un fracas de porcelaine, couvrant dans sa chute le mendiant d'éclaboussures de chocolat brûlant. Extrêmement effrayé, l'homme fit un bond de côté et, sans comprendre, se mit à injurier furieusement la fenêtre où Miette, pétrifiée, le regardait la bouche ouverte et les bras ballants, tandis que la douairière, ravie, lui demandait « Pourquoi tu fais ça, dis ?» Elle murmura, à peine remise de son effarement « Parce que je voulais faire plaisir aux pauvres. » « Mais ordinairement, tu ne veux jamais rien. Tu fais ce que les autres veulent. » Miette réfléchit un instant, tortillant ses petites mains, et répondit « Ça dépend quoi ?»« Voyez-vous, la petite fée surprise, » disait en apprenant l'action d'éclat de Miette le général de Champreux. « Je le disais bien, moi, qu'elle avait une volonté. » La douairière s'écria « Pourvu, mon Dieu, que ça continue !» Mais ça ne continua pas. Miette, gorgée d'argent pour ses pauvres, autorisée à donner, même par les fenêtres, tout ce qu'elle voulait donner, redevint la douce et indifférente petite fille qu'elle avait toujours été. Et elle grandit sans secousse, devenant jeune fille par sa haute taille svelte et son joli visage qui s'allongeait et s'affinait, mais restant bébé par l'absence complète de volonté ou d'initiative. Souvent, sa grand-mère, l'entendant dire « J'aurais voulu aller ici » ou « J'aurais préféré faire cela », lui demandait, agacé, « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Alors Miette répondait, « Parce que ça n'en valait pas la peine. » Elle avait peu d'amis et elle aimait sans protestation, sans démonstration extérieure, mais d'une affection tranquille et sûre ce qu'elle aimait. Comme elle avait une énorme dot et qu'elle était la jolie petite d'Orsay, Miette, quand elle eut 18 ans, fut demandée de tous côtés en mariage. Scrupuleusement, toutes les demandes, même celles que son père et sa grand-mère jugeaient inacceptables, lui furent transmises. Miette écoutait, avec une attention apparente, les renseignements sur la fortune, le physique, les antécédents, la famille et les alliances de ses prétendus, et répondait invariablement « Je me trouve très bien avec vous. Je ne suis pas pressée de me marier. » Elle semblait ne pas aimer beaucoup la société des jeunes gens, desquels elle ne s'occupait guère, ayant l'instinctive horreur du flirt et de la coquetterie. Gentille et bienveillante d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas des soupirants, elle employait volontiers sa douceur persuasive et tendre à calmer grand-mère, irritée contre les cousins qui faisaient des bêtises, ou l'oncle Champreux furieux contre son neveu Jean qui ne voulait pas rester au service. « Il n'a pas le sou, cet animal-là » hurlait volontiers le général. « Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie s'il n'est pas militaire ?» Il a 6 000 francs de rente, il veut faire de la peinture, expliquait Miette. Il est fou, je ne trouve pas. Comment, petite fée, toi qui es si raisonnable, tu ne comprends pas qu'il n'y a pas pour un homme d'autre métier que le métier militaire? Pour un homme qui est bête, oui, mais s'il est intelligent. Je te remercie. Vous savez bien, oncle, disait Miette, câline en passant ses bras autour du cou du général, que vous êtes une exception, vous êtes délicieux, vous. Alors tu n'aimes pas les militaires, en général? Non, je ne les aime que quand ils sont un général comme vous. Ça n'est pas répondre, ça. Alors la petite se dérobait, esquivant la discussion qu'elle voyait poindre. Et quand Paul et Jacques d'Orsay, les cousins germains de Miette, qui travaillaient avec une excessive modération, manquaient un examen quelconque et que la douairière faisait retentir la maison de ses plaintes, la petite s'efforçait de la consoler à sa façon. « Ils manqueront Saint-Cyr !» criait la grand-mère désolée. « C'est probable, mais qu'est-ce que ça fait ?» répondait paisiblement Miette. « Comment est-ce que ça fait ? Mais ils feront 3 ans comme soldats. Ça leur fera un bien énorme. » « Oui, mais après ? Eh bien quoi, après ? Ils ne seront pas militaires. Ce sera tant mieux pour eux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ils ne trouveront pas à se marier s'ils ne sont pas militaires. Il n'y a que les officiers qui fassent de beaux mariages. » Et comme la jeune fille ne répondait pas, la douairière demandait, inquiète, « Est-ce que, par hasard, tu ne voudrais pas épouser un officier, toi ?» Miette se pelotonnait en boule aux pieds de sa grand-mère et murmurait évasivement, « Nous n'en sommes pas là, ni Paul, ni Jacques, ni moi. Si tu crois qu'ils seront faciles à marier, tes cousins, au temps où nous vivons, on ne se marie pas sans argent. Mais j'en ai, moi, de l'argent. Combien en ai-je, dites, grand-mère ? Tu en as beaucoup. Tu as 8 millions de ta mère, mais ça ne fait pas une belle jambe à tes cousins, ça. » « C'est vrai, » répondait avec résignation Miette. Pour échapper à la fatigue d'une discussion, elle ne voulait pas dire que la première chose qu'elle ferait à sa majorité serait de doter ses cousins, pour leur faire plaisir d'abord, mais aussi pour ne plus entendre parler de Saint-Cyr et des beaux mariages militaires. Au printemps, avant de quitter Paris, Miette avait remarqué que parmi les nombreux jeunes gens qui s'occupaient d'elle, deux plaisaient particulièrement à son père, à sa grand-mère et à l'oncle Champreux. L'un avait 30 ans, 200 000 francs de rente, et s'appelait le comte de Luxeuil. Il était joli garçon, intelligent et bien élevé. La douairière semblait préférer celui-là. L'autre, le duc de Garches, infiniment élégant, chic et bien posé, était à 25 ans de tous les grands cercles et de la plus élégante coterie. Avec cela, très suffisamment riche pour n'être pas soupçonné de faire, en épousant Miette, un mariage d'argent. Celui-ci plaisait infiniment au marquis d'Orsay et au général. Très accueillante, très gentille, la jeune fille n'indiquait aucune préférence pour l'un des deux. Elle ne semblait même pas remarquer la fréquence de leurs visites. Dès que les d'Orsay furent installés à la campagne, M. de Garches et M. de Luxeuil y arrivèrent, faisant partie de la première série d'invités. La douairière et son fils attendaient à une observation de Miette, à une remarque approbative ou ennuyée. Très clairvoyante, très fixée sur la situation, elle ne broncha pas, bien décidée à laisser ses parents commencer l'attaque. Et un soir, il fallut bien parler. Le marquis, en présence de sa mère et de son oncle, fit part à Miette de la demande des deux jeunes gens. Elle répondit, comme toujours, qu'elle n'avait pas 20 ans et n'était pas pressée de se marier. Alors l'oncle Champreux expliqua à sa petite nièce que ces deux parties qui se présentaient étaient des parties superbes et qu'il fallait réfléchir. Elle dit « Je réfléchirai » et n'y pensa plus. Au bout de 8 jours, la douairière interrogea Miette pour savoir si elle avait fait un choix, et elle la supplia d'avoir égard aux inquiétudes des siens, désireux de voir son avenir assuré. Messieurs de Garches et de Luxeuil avaient accepté avec une bonne grâce charmante cet étrange concours. Ils attendaient qu'elle voulût bien faire un choix. Et comme la petite restait muette et irrésolue, la grand-mère demanda encore « Je t'en prie, ma petite Miette, décide-toi. Ils resteront jusqu'aux courses, 15 jours encore, c'est long 15 jours, examine, réfléchis et choisis. Promets-moi que le soir des courses, après le bal, tu nous feras connaître ta décision. » Miette voulut plaisanter « Les courses, le bal, la décision, c'est beaucoup pour un jour, tout ça. Sois sérieuse, ça en vaut la peine. Voyons, c'est dit, n'est-ce pas ? Ce soir-là, tu nous diras qui tu épouses. Et si c'est personne ? Ce sera quelqu'un. Tu sais bien qu'il faut qu'une femme se marie. » Et la douairière ajouta avec conviction « Et qu'elle se marie de bonne heure si elle veut être heureuse. » Le jour des courses arriva. Miette restait impénétrable. « Devines-tu, toi ? » demanda le général à son neveu Jean de Champreux, arrivé depuis quelques jours. « Si je devine quoi ? Lequel Miette va choisir ? « Je ne m'en doute pas, mais si j'étais à sa place, je ne choisirais ni l'un ni l'autre. »« Et pourquoi ça, s'il te plaît ?»« Parce que ni l'un ni l'autre ne sont faits pour elle. Ils sont charmants, mais trop corrects. »« trop à la pose pour Miette, qui est la simplicité même. Bon, ça y est, elle t'a enrégimenté, la petite fée. Elle t'a chargé de plaider contre Garche et Luxeuil. Elle ne m'a pas même dit qu'il fût question d'un mariage pour elle. Cependant, elle ne se gêne pas avec lui. Elle est en confiance. En confiance comme elle peut l'être, c'est-à-dire en ne disant rien. Sais-tu ce que tu devrais faire? Tu devrais la tâter. Moi? À quel titre? Elle m'enverra promener. Que non! Elle te répondra plus librement qu'à nous. Pourtant, un jeune homme, il est assez difficile de... Eh, hey, tu n'es pas un jeune homme pour Miette, toi. Ah. Non, tu es mon neveu. C'est-à-dire un presque cousin. Elle te connaît beaucoup, et puis tu n'es pas sérieux. Tu ne comptes pas, toi. Tiens, dis-lui ceci. Sa grand-mère m'a chargé d'une commission, et j'aime autant que ce soit toi qui la fasse. Quelle commission? Voici. C'est naturellement Miette qui doit conduire ce soir le cotillon chez elle. Naturellement. Eh bien, ma sœur voudrait qu'entre Garche et Luxeuil, qui sont tous désignés pour conduire avec elle ce cotillon, elle choisisse celui qu'elle veut épouser. Ce sera sa façon de nous le faire connaître, et nous aurons le temps de nous habituer à ce choix. Ça vous fait quelque chose que ce soit l'un ou l'autre? Moi, je les tirerai dans un chapeau. Mon neveu et moi, nous préférons Garche, mais ma sœur le trouve trop jeune. Elle aime mieux Luxeuil, qui est plus sérieux. Croyez-vous? Ma sœur le croit. Voyons, te charges-tu de dire ça à Miette? Oh mon Dieu, si ça vous fait plaisir, je ne demande pas mieux. Mais quand voulez-vous que je lui parle? Je ne peux pas lui débiter au milieu de tout le monde mon, ou plutôt votre petit boniment. Offre-lui ton bras pour faire un tour au pesage. Est-ce bien correct? Mais oui, mais oui. Ah, c'est vrai, j'oublie toujours que je ne compte pas. Après la première course, Jean de Champreux s'approcha de Miette, assise près de sa grand-mère et très entourée, et lui offrit, comme c'était convenu, de faire un tour au pesage. La douairière prit le bras de son protégé Luxeuil et le suivit à une respectueuse distance. « Mademoiselle Miette, commença Jean assez embarrassé, je suis chargé pour vous d'une commission qui vous paraîtra peut-être singulière. » Elle l'écoutait, posant sur lui son tranquille regard. Il continua. « Madame, votre grand-mère désire, paraît-il, que ce soir vous choisissiez, pour conduire avec vous le cotillon, celui que vous voulez prendre pour mari. »« C'est une drôle d'idée qu'elle a, la grand-mère. Et pourquoi est-ce qu'on vous a chargé de me dire ça ? On pense que je ne compte pas et que vous êtes en confiance avec moi. »« On a raison. Dites-moi, monsieur de Champreux, si vous étiez à ma place, lequel choisiriez-vous ? Mademoiselle, en vérité, je l'ignore absolument. » « Et d'abord, en choisiriez-vous un ? Je vous répète, mademoiselle, que je ne sais pas du tout ce que je ferais. Et moi, je le sais très bien, ce que vous feriez. » Sans regarder Miette, Jean de Champreux demanda « Qu'est-ce que je dois répondre ? Ferez-vous ce que désire madame d'Orsay ?» Elle hésita un instant, puis, fixant sur lui ses yeux clairs, « Oui, je ferai ce que désire grand-mère. Et je m'entendrai d'ailleurs là-dessus avec elle. »« Ah ? » balbutia le jeune homme surpris. « Alors vous vous décidez ?»« Oui, c'est-à-dire, je me déciderai ce soir. » Et comme il restait silencieux et attristé, elle demanda brusquement « Reconduisez-moi, voulez-vous ?» Avant le bal, Miette fit prier sa grand-mère, son père et le général de vouloir bien entrer chez elle et leur dit « Monsieur Jean m'a fait tantôt très fidèlement la commission dont vous l'aviez chargée pour moi. Et tu as consenti ?» s'écria la douairière qui craignait de la voir surprendre. « J'ai consenti, en principe, mais je veux, avant de m'engager, savoir de vous-même ce que vous désirez que je fasse. Nous désirons que ce soir, puisqu'il te faut un danseur de cotillon, tu choisisses celui que tu veux épouser. Et quand j'en aurai choisi un, vous regretterez que ça ne soit pas un autre. « Non, affirma Madame d'Orsay, il est entendu que, qui que tu choisisses, « nous ne ferons aucune objection. »« C'est bien sûr, ça. »« Très sûr. »« Alors, » dit gaiement Miette, « ce soir je vous présenterai mon fiancé. »« Et maintenant, je vais m'habiller. » En sortant de la chambre de sa petite nièce, le général fit observer qu'elle était toute drôle et qu'elle devait avoir quelque idée de derrière la tête. Mais la douairière protesta. « Pauvre petite, plût à Dieu qu'elle en ait une. » « Mais non, elle est si molle, si indifférente, qu'elle ne peut même pas prendre un parti. » Mais puisqu'elle va le prendre tout à l'heure, ce parti, bon, sait-on ce qu'elle va faire seulement ? Le général marmotta entre ses dents. Non, je crois qu'on ne le sait pas du tout. Dans le cours de la soirée, la douairière entendit raconter l'histoire du cotillon que Miette devait danser avec celui qu'elle accepterait comme fiancé. Mécontente et surprise, elle questionna sa petite fille. « Qui a raconté cette histoire ?»« Moi, » dit Miette, « je ne savais pas que c'était un secret. » »« Ce n'est pas un secret, mais enfin, il eût mieux valu ne pas instruire de ça tout le monde. »« Bon, » fit Miette avec indifférence, « que tout le monde soit instruit aujourd'hui ou demain. » Et comme l'orchestre jouait les premières mesures du cotillon, elle traversa le salon d'une longue glissade et vint s'arrêter court devant Jean de Champreux qui se faufilait vers une porte. « Où allez-vous donc ?»« Me coucher, j'ai une terrible migraine. » Il était en effet un peu pâle. « Ah, bien, » dit Miette en riant. « On peut dire que vous n'êtes pas curieux, vous. »« Pas curieux. »« Dame, vous n'attendez même pas pour voir avec qui je vais danser ce fameux cotillon. » Jean ne répondit rien. « Alors ?» Sous les yeux avides braqués sur elle, Miette demanda de sa voix claire en faisant une révérence à moitié sérieuse, à moitié blagueuse. « Si vous le voulez bien, c'est avec vous que je le danserai. » Et posant affectueusement son regard malicieux sur le jeune homme effaré et ravi, elle murmura, câline, « Imbécile va, qui croyait que je n'avais rien vu ?» Pendant ce temps, le général de Champreux demandait, narquois, à la douairière et à M. d'Orsay, ahuri, « Eh bien, qu'est-ce que vous en dites de la fée surprise ?» C'est ainsi que s'achève la fée surprise de Gypes.